بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا لونجتا الله سبحانه وتعالى qui nous a facilité et qui nous a comblé de ces rencontres. Et toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Et ces rencontres sont faites pour se conseiller mutuellement la patience et l'endurance. Et le remerciement est à ceux qui sont à la cause de ces rencontres. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses sublimes noms que ceci soit inscrit dans les œuvres de tout un chacun de nous, que ce soit les organisateurs ou ceux qui sont présents. Et comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire sortir tous de cette terre de mécréance, sains et saufs, ainsi que notre descendance. Et avant de commencer, je vous transmets le salam de notre père, Cheikh Ubaid, hafidhahullah ta'ala, qui vous passe son salam et qui vous conseille aussi, qui vous dit: apprenez la science, donnez le temps à l'apprentissage et faites des efforts dans l'acquisition de la science. Et éloignez-vous de la polémique stérile et des futilités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Et le sujet de cette soirée, inshallah, sera autour tiba'u khayrul hadi, fait de suivre la meilleure des guidances. والهدي كم لا ديفيني السعدي رحمه الله تعالى كنت لا انتقبرت لا بارول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا سي لي ليفر اي لي ميساج عليهم الصلاه والسلام. يا aucun doute que ce sujet est très important et prouve l'importance de ce sujet. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la demande de la guidance un des piliers de la prière. Dans chacune de nos prières, nous disons: guide-nous sur la voie droite, ihdina as-sirata al-mustaqim. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, quand il se réveillait pour faire les prières nocturnes, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce dua: Allahumma rabba Jibra'il, souverain de Jibra'il, de Mika'il, de Israfil, créateur des cieux et de la terre, hein? Toi qui as la science du visible et de l'invisible, toi qui juges entre tes serviteurs, entre les serviteurs dont le sujet sur lequel ils sont en divergence, guide-moi vers la vérité dans laquelle ils divergent. Car tu es le seul qui guide sur la voie droite. Cela prouve l'importance de suivre la guidance et qu'il faut la demander à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il comble ses serviteurs. Et le sujet est traité ici par Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. فيقول حفظه الله بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول موضوع هذه المحاضرة هو اتباع خير الهدي اتباع الهدى يقول هذا الموضوع موضوع جليل القدر رفيع الشأن ينبغي لكل مسلم أن يهتم به غاية الاهتمام ويعتني به تمام العناية وفي الحقيقة إن اتباع الهدى هو العهد الذي عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم وذريته عندما أخرج سبحانه وتعالى آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض عهد إليه وإلى ذريته أن يتبعوا الهدى وبين ذلك تبارك وتعالى في القرآن الكريم أتم بيان il dit حفظه الله تعالى après la louange et la prière sur le messager عليه الصلاة والسلام le sujet de la conférence sera le fait de suivre la guidance le fait d'être dans la voie il dit ce sujet est très important et il est du devoir de tout musulman de s'occuper de ce sujet et de lui donner l'importance et de s'en occuper d'une façon particulière. Il dit en réalité, le fait de suivre la guidance, d'être dans la voie, c'est l'orientation que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Adam et à sa descendance quand il l'a fait sortir Adam, alayhi salatu wassalam, du paradis, il l'a fait descendre sur terre. Et il les a orientés, il leur a ordonné de suivre le Huda, et il a montré ceci dans beaucoup de passages dans le Coran. Et il nous en a éclairé d'un grand éclaircissement. Qala Azza wa Jal, Qala ahbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Il cite le verset Hafidhahullah Ta'ala où Allah subhanahu wa ta'ala dans cette traduction approximative dit Adam Yahwa descendez tous du paradis avec Iblis etc. Vous êtes les ennemis mutuels. Et vous êtes les ennemis des uns et des autres. Vous êtes ennemis. Quand il vous arrivera le Huda, c'est-à-dire, comme il a dit Shardi, rahimahullah, le livre et les prophètes, celui qui suit le livre et les prophètes ne sera pas égaré et ne sera pas malheureux. Et celui qui se détourne de ma révélation, il aura une vie pénible. Une vie dure. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. وقال في الآية الأخرى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et dans l'autre verset, dans سورة البقرة, car le premier c'est surat Taha et le deuxième qu'il cite cher ici c'est dans surat Al-Baqara nous avons dit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans cette traduction approximative descendez tous et quand il vous arrivera, c'est-à-dire les livres et les messagers, celui qui les suit, il n'aura pas à avoir peur ni à être attristé. هذا يقول الشيخ هذا ما عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم وذريته عهد إليهم اتباع الهدى ولهذا ينبغي أن يكون ارتباط هذا الموضوع وثيقا بالقصة التي قدمت قصة آدم وقصة إخراجه من الجنة والعداوة التي نشأت قديما من إبليس تجاهه وتجاه ذريته. Donc Cheikh il dit, ça c'est l'orientation vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a orienté Adam et sa descendance. Il leur a intimé l'ordre de suivre les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam, les livres et les prophètes alayhi salatu wassalam. Il dit c'est pour ça que ce sujet il faut qu'il soit lié. Ce sujet il faut qu'il soit lié avec cette histoire qu'il vient de nous conter, qui est l'histoire d'Adam alayhi salam avec Shaitan. L'histoire d'Adam et son histoire, la cause par laquelle il est descendu sur terre et la haine que lui vaut Shaitan, hein, depuis toujours. Donc le sujet doit être lié à ça. Le fait de suivre la guidance doit être lié à l'histoire de notre père. Il y a l'animosité et la haine qu'il a, Iblis, vis-à-vis d'Adam, qu'il a eu vis-à-vis d'Adam et vis-à-vis de toute la descendance de Adam alayhi salatu wassalam. يقول حفظه الله القصة كما لا يخفى على الجميع أن الله تبارك وتعالى أمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا لآدم فاستكبر إبليس وتعاظم ورأى نفسه أعلى من ذلك وأرفع قدرا من ذلك وامتنع من السجود ثم صار إلى الحقد والعداوة والضغينة ضد آدم عليه السلام. Il dit, حفظه الله, et l'histoire comme tout le monde la connaît, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Iblis ainsi qu'aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salatu wassalam. Ici, cet ordre de la prosternation, c'est pas la prosternation adoration, c'est la prosternation du salut, tout simplement. Comme la prosternation qui a eu de la part de Yaqub et ses enfants pour Yusuf alayhi salatu wassalam. C'est la prosternation du salut. Et non pas la prosternation d'adoration, parce que la prosternation de l'adoration n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont détaillé les hommes de science, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Iblis, aux anges de se prosterner, les anges se sont prosternés et Iblis a refusé. Il s'est rempli d'orgueil. Il s'est vu mieux que Adam alayhi salatu wassalam. Et après, la haine a commencé de Iblis contre Adam alayhi salatu wassalam. Les manigances ont commencé. Les complots contre Adam alayhi salatu wassalam ont commencé. Walamma akram Allah tabaraka wa ta'ala Adam wa askanahu al-jannah wa qala lahu wa li zawjihi kula minha ragadan haythu shi'tuma wa haddalahuma min qurban shajaratin mu'ayyanatin fil jannah ibtila'an وامتحانا جاء الشيطان بعداوته وضغينته وحقده إلى آدم فوسوس له فوسوس إليه وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam alayhi salatu wassalam, il l'a fait habiter le paradis, lui et son épouse Hawa, il leur a donné cet ordre et il les a orientés dans cette traduction approximative en leur disant mangez d'où vous voulez dans ce paradis, d'où là où vous voulez, mais il les a avertis contre un arbre. On va montrer un arbre particulier au paradis, cet arbre là ne le touchez pas, ne vous en approchez pas, ceci par examen, par épreuve, pour éprouver Adam alayhi salatu wassalam. Hein? Et Shaitan, il est venu, comme il a la haine déjà contre Adam. Hein? Il est venu. Et sa haine le faisait bouillonner. Et il a commencé à tenter Adam alayhi salatu wassalam. Et il est venu comme Allah subhanahu wa ta'ala ne le cite dans le Coran, avec cette traduction approximative. Tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité qui va te faire éternel et qui va te donner un empire et un royaume impérissable? Il est venu d'où? Du côté du conseil. Et comme tout un chacun qui veut faire divier quelqu'un, il ne vient pas, il lui dit, viens vers l'égarement. Viens accomplir des actes qui sont en contradiction avec la religion. L'abadan, il vient du côté du conseil. Établir, viens, on va visiter nos frères malades. Hein? On va visiter nos frères dans la cité. On va s'asseoir, lire dans Riyad Salihin. Mais en réalité, derrière cette bonne chose, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gangrène. Il y a le poison. Les frères musulmans, viens, on va comprendre la situation du monde, la situation des musulmans, pour pouvoir contrer les ennemis d'Allah, savoir ce qui se complote, connaître les protocoles de Sion, connaître ci, ça. Hein? Une belle image. Et tout un chacun qui veut induire vers l'erreur, qui veut induire vers la déviance, il vient par cette voie-là. Les soufis, viens pour purifier ton nefs, pour remplir ton cœur d'Allah, et ainsi de suite. Chacun, il a son style pour pouvoir divier. Hein? Comme il a fait Shaitan de notre père Adam, alayhi salatu wassalam, par la voie du conseil, au lieu embellissant. Hein? Fa'akala Adam min ash-shajara. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقع آدم بذلك في معصية الله تبارك وتعالى وكانت هذه المعصية سببا لإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض هذا الخطأ وهذه الطاعة التي وقعت منه عليه السلام لإبليس سببت هذا الأمر وأدت إلى هذا الإهباط الذي حصل لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته. Et donc, Adam عليه الصلاة والسلام s'est fait avoir par l'embellissement que lui a fait Iblis. Donc, il a mangé l'arbre. Et comme nous le cite Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative, donc, il s'est vu tenu. Et il a commencé, ainsi que sa femme, à ramasser les feuilles du paradis pour se couvrir. Hein? Et Adam est tombé dans cette désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette désobéissance était la cause qu'il sorte du paradis et qu'il descende sur terre. Cette erreur et cette obéissance à Iblis, de la part de Adam alayhi salatu wassalam, a causé la descente vers terre. Adam alayhi salatu wassalam et à sa descendance. نتيجه لهذا الخطا اخرجه الله تبارك وتعالى من الجنه. ولهذا الجنه هي المنزل الاول لبني ادم. منزلنا الاول هو الجنه والخروج منها كان سببا بسبب خطأ وقع فيه آدم. واقتاب الله تبارك وتعالى على آدم لأنه سأل الله عز وجل استغفر لذنبه وتاب الله عليه كما سيأتي معنا في نص القرآن. Et donc, cette erreur de la part d'Adam a causé la descente, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre Adam du paradis. Alors que la première demeure d'Adam, c'est, et de sa descendance, c'est la première demeure, c'est le paradis. Et sortir de ce paradis, sa cause, c'est cette erreur dans laquelle est tombé notre père Adam, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné Adam, alayhi salatu wassalam. Adam a demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de son pardon. Comme il va être cité après, inshallah. Lamma, يقول الشيخ لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض قال قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض وقال بعضكم لبعض عدو يعني إبليس عدو لكم وممتلئ عداوة لكم ثم أخذ ينزل وحيه على آدم وعلى ذريته فقال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala sorti Adam du paradis, il l'a fait descendre sur terre. Il a dit, comme il est cité dans le verset, dans la traduction approximative, « Descendez tous, vous êtes ennemis mutuellement, vous êtes les ennemis les uns les autres. » Et il a ordonné à Adam, ainsi qu'à Hawa et à Iblis, de descendre tous du paradis. Et il leur a dit, « Vous êtes des ennemis les uns les autres. » Ce qui veut dire, comme il a dit, cher ici, Iblis est votre ennemi. Il est rempli de haine contre vous. Et après Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à descendre sur Adam sa révélation et sur la descendance d'Adam. Et il dit dans le verset, quand il vous arrivera, les livres et les messagers, celui qui les suit, il n'aura pas à avoir peur ni à être attristé. Dans l'autre verset, celui qui les suit, il ne sera pas égaré, ni il ne sera malheureux. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أقول لا بد في الحديث عن اتباع الهدى من استحضار هذه القصة العظيمة وهذه القصة يقول حفظه الله كما تعلمون وردت في مواطن عديدة من القرآن الكريم وورودها في القرآن في مواطن عديدة ومرات متكررة يدلنا على أهمية هذا الأمر ووجوب الانتباه له ووجوب الحذر من هذا العدو اللدود الذي يكيد للإنسان كيدا والذي يتربص به من كل جهة والذي هو من أحرص ما يكون على غواية الإنسان وضلاله وانحرافه وبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى تكرر مجيء هذه القصة في القرآن الكريم جاءت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وسورة طه وفي سورة الكهف وفي مواطن عديدة من كلام الله عز وجل إلدي حفظه الله تعالى Il est obligatoire quand on parle de la guidance, du fait de suivre les livres et les prophètes, alayhi salatu wassalam, d'avoir présent à l'esprit cette géante histoire, c'est-à-dire l'histoire qu'il y a eu entre Adam et Iblis, alayhi la'natullah. Il dit, cette histoire, comme tout le monde le sait, est citée dans plusieurs endroits dans le Coran. Hein? Et le fait qu'il soit répété dans plusieurs passages dans le Coran, dans plusieurs versets, dans plusieurs endroits dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous prouve l'importance de cette histoire. Et qu'il faut faire attention à ça, et que ceci doit attirer notre attention sur l'animosité et la haine que porte cette grande ennemie déclarée, qui ne cesse de comploter contre l'être humain et qui est aux aguets. Il l'attend de tous les côtés. Et il tient à faire dévier l'être humain, à l'égarer à l'envoyer vers sa perte, à l'éloigner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et cette histoire est citée notamment dans Sourate Al-Baqara, dans Sourate Al-A'raf, dans Sourate Taha, dans Sourate Al-Kahf et dans d'autres endroits dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول الشيخ سأشير إلى موضعين منها. Cheikh Elijah, je vais tout simplement citer deux passages. Il ne va pas tout citer, mais il va citer justement deux passages. Le موضع الأول في سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Donc le premier passage que cette cheikh ici, il est dans sourate al-Baqara. La traduction approximative nous dit ceci. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour Adam. Ils se sont prosternés sauf Iblis, qui a refusé, qui s'est rempli d'orgueil. Et il fait partie des mécréants. Nous avons dit à Adam, habite, toi et ton épouse le paradis, et mangez de là où vous voulez. Dans le paradis. Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Hein? Ne vous approchez pas de cet arbre, vous allez devenir injuste. Iblis, Shaitan, les a poussés jusqu'à ce qu'ils aient mangé de cet arbre. Et les a fait sortir de là où ils étaient, c'est-à-dire du paradis. Et nous avons dit, descendez tous. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Adam, à Hawa et à Iblis. Descendez tous. Vous êtes les ennemis les uns les autres. Et vous avez votre demeure sur terre. Votre demeure sur terre jusqu'à un terme bien précis. C'est-à-dire, la vie sur terre ne sera pas éternelle. Mais à un terme bien précis, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand est-ce que la vie se terminera sur terre. يقول الشيخ إلى وقت محدد لكم في الأرض مستقر ليس دائم وإنما إلى وقت محدد وإلى أجل معلوم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم تاب الله على آدم وغفر له ذنبه بكلمات قالها آدم فتاب الله عليه سأل عز وجل أن يغفر له خطيئته فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ألهمه الله سبحانه وتعالى كلمات قالها فتاب عليه ربنا ظلمنا أنفسنا فتاب الله سبحانه وتعالى ويقول عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et donc Cheikh il dit, votre demeure sera sur terre jusqu'à un terme bien précis, un terme limité. Votre vie ne sera pas éternelle sur terre, mais il y aura une fin à cette vie. Et le verset de continuer qu'a cité Cheikh ici dans la traduction approximative, il dit ceci. Et Adam a reçu des paroles de son souverain Azza wa Jal et lui a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a appris à Adam des paroles avec lesquelles il a demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et notamment ces paroles que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris, souverain, nous étions injustes avec nous-mêmes jusqu'à la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné Adam. Il lui a pardonné son péché avec des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala a enseignées et a appris à Adam alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné son erreur. Et le verset, il dit ceci dans sa traduction approximative. Adam a reçu des paroles de son souverain Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné car il est celui qui pardonne les clément. Subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, descendez tous, c'est-à-dire du paradis vers la terre. Et quand il vous arrivera les livres et les messagers, celui qui les suit, il n'aura pas à avoir peur, il n'aura pas à être attristé. Et ceux qui ont mécru ont la révélation, ceux-là seront les gens de l'enfer, ils y seront éternellement. والموطن الآخر في سورة طه يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا أي إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. Et le deuxième passage que cite Cheikh Issi dans Sourate Taha, où la traduction approximative dit ceci: nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour Adam. Ils se sont prosternés, sauf Iblis qui a refusé. Et nous avons dit à Adam, celui-là, c'est-à-dire Iblis, c'est ton ennemi, l'ennemi de ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis. Vous allez être malheureux. Et dans le paradis, tu n'auras pas faim, tu ne seras pas nu, et tu n'auras pas soif, et en plus, tu ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Le soleil ne te fera aucun mal. يقول الشيخ حفظه الله يعني لك في الجنة عندما أكرمه الله عز وجل بدخولها والبقية فيها قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى يعني لا ينالك الجوع ولا ينالك عريون ولا ينالك ظمأ ولا ينالك ضحى وهو أن يضحى الإنسان للشمس فتؤثر عليه فهو في نعمة وفضل منه سبحانه وتعالى ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى لكن العدو اللدود إبليس لا يرضى بذلك فاتخذ أساليبه وجاء بحيله وطرقه فوسوس إليه الشيطان وسوس الشيطان إلى آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جاءه من هذا الطريق يعني إذا أكلت من هذه الشجرة تكون خالدا ويكون ملكك غير فان ولا يلحقه البلاء فأثر في هذا الوسواس فأكل منها يعني هو وزوجه فبدت لهما سوآتهما اي الشيخ يلدي le verset qui sont cités ça veut dire que tu n'auras pas à avoir faim au paradis ni que tu ne seras nu au paradis. La soif ne va pas t'atteindre et au soleil, le soleil ne te fera aucun mal. Et donc, c'est un grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé Adam alayhi salatu wassalam. Mais l'ennemi déclaré et le grand ennemi n'agréez pas tout ça, n'agréez pas cette situation de bien dans laquelle se trouvait Adam alayhi salatu wassalam. Et il a commencé par toutes les voies. Et par toutes les ruses, par toutes ses forces, a manigancé, a comploté pour le faire tomber. Hein? Shaitan, comme il dit dans le verset, passé par la tentation. Et il a tenté. Hein? Avec son waswas, il a fait tomber Adam, alayhi salatu wassalam. Et le verset, il continue. Ils ont mangé, ça veut dire Adam et Hawa ont mangé de l'arbre. Et à ce moment-là, comme le dit le verset, hein, leur nudité leur a apparu. Ils se sont vus tout nus. Hein? Ils se sont vus tout nus. يعني نالهم العري وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يأخذان من ورق الجنة ويستتيران. Donc ils se sont vus tout nus. Et comme le verset, il continue, dit, ils ont commencé à ramasser les feuilles du paradis pour se cacher, pour se couvrir avec. وعصى آدم ربه فغوى وقع في هذه المعصية ووقع في هذه الخطيئة، مع أن الله تبارك وتعالى حذره منها، نهاه أن يقرب هذه الشجرة المعينة ابتلاء وامتحانا، فأكل منها آدم هو وزوجه عندما وسوس إليه الشيطان. آدم dans la continuité du verset a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et il a commis le péché, il est tombé dans la désobéissance. Comme il dit Cheikh, il est tombé dans cette désobéissance, il a commis cette erreur alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a averti, il lui a dit ne t'approche pas de cet arbre pour l'éprouver. Et Adam ainsi que son épouse ont mangé de l'arbre quand Shaitan les a tentés à manger de cet arbre. ثم اجتباه ربه يعني اصطفاه سبحانه وتعالى فتاب عليه وهدى قال يعني الله سبحانه وتعالى اهبطا منها جميعا. الله سبحانه وتعالى اي لآدم عليه الصلاة والسلام كما يدي دون الفرسي إلا il lui a pardonné et il l'a guidé et il lui a dit descendez tous du paradis. Descendez tous. Antum wa iblis ihbitu ila al-ard jami'an. Ba'dukum li ba'din adu. Huwa adun. La hay adun lillah wa antum a'da'un lah. A'da'un li iblis. Fal'adawatu bayna Adam wa durriyatihi wa bayna ash-shaytan qadima wa bada'at mundu takabbur iblis wa imtina'ihi 'an as-sujud li Adam. الذي فضله الله تبارك وتعالى وكرمه. Il leur a dit descendez tous. Tous. Vous, Adam, Hawa et Iblis, descendez tous. Vous êtes les ennemis les uns des autres. Iblis est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est l'ennemi de Adam, de son épouse. Et il est l'ennemi de la descendance d'Adam alayhi salatu wassalam. Et la haine et cette animosité, il est ancienne. Il a commencé au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Iblis de se prosterner pour Adam alayhi salatu wassalam. Et il a refusé de se prosterner. Adam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et a comblé de son bienfait. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم. الخطاب هنا في قوله يأتينكم أي آدم وذريته وأيضا ذرية إبليس والجن، ذرية إبليس وهو الجن، فالجميع مخاطبون بالشريعة، الشريعة للثقلين كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc, il les a fait tous descendre. Descendez tous, et vous êtes les ennemis les uns des autres. Quand il vous arrivera ici, le message est adressé à Adam et à sa descendance, et aussi à Iblis et à sa descendance qui sont les jeunes. Tous sont concernés par la législation. Tous sont concernés par la législation. Les jeunes. Wal-ins sont concernés, il dit dans le verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض، والجنة هي المنزل الأول لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. Donc le verset que cite Cheikh ici, quand il vous arrivera le livre et le messager, celui qui y suit, il ne sera ni égaré, ni attristé, ni malheureux. Et celui qui se détourne de la révélation, il aura une vie pénible, c'est-à-dire dans ce bas monde. Et le jour de la résurrection, nous allons le ressusciter aveugle. Et il dira à ce vrai, pourquoi je suis ressuscité aveugle alors que dans ce bas monde, avant je voyais, j'étais voyant. Et il dira, il lui sera dit, ainsi nos versets te sont arrivés, ont été transmis à toi et tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui on t'oublie. Ainsi nous sanctionnons les outranciers et ceux qui ne croient pas en la révélation. Et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà est pire et éternel. Et pour les mécréants. Donc Adam a été sorti du paradis et il est descendu sur terre. Donc la première demeure de Adam alayhi salam, c'est le paradis. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dans son vers, il dit bienvenue au paradis d'Aden, c'est notre première demeure et c'est là où il y aura le campement. Rahimahullah ta'ala, comme il l'a dit dans sa mimia, rahmatullah alayh. فالجنة هي المنزل الأول لآدم وذريته لكن بسبب هذا الكيد وبسبب هذه الوسوسة التي كانت من إبليس أخرج آدم من الجنة فأصبح السبيل والطريق إلى العودة إلى الجنة المنزل الأول بأي شيء باتباع الهدى فمن اتبع هدايا et donc la première demeure de Adam et de sa descendance c'est le paradis. Mais avec le complot de Iblis, et les manigances de Iblis, Adam s'est fait sortir du paradis. Et le seul moyen pour revenir à la première demeure, il se fait avec quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a montré. C'est le fait de suivre le livre et le messager. فمن اتبع هدايا ولهذا أهبط الله عز وجل آدم والذرية إلى الأرض وجعلهم فيها ليبتليهم وليمتحنهم وليختبرهم ولينظر الأهل منهم باتباع هداه ومن هم بخلاف ذلك ممن يتبعون عدو الله إبليس ولهذا قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu Adam alayhi salatu salam vers la terre ainsi que sa descendance et il l'a fait qu'il reste qu'il vive sur cette terre jusqu'à un terme bien défini pour les éprouver, pour leur passer l'examen, pour voir qui sont ceux qui méritent le suivi, ceux qui méritent de suivre ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, les prophètes et les livres, et ceux qui sont leur contraire, qui suivent l'ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est Iblis. C'est pour ça que le verset que le cheikh a cité, « Fa'imma ya'tiennakum » quand il vous arrivera, quoi, le livre et les prophètes, celui qui suit, ne sera ni égaré, ni malheureux. يقول الشيخ حفظه الله وهذا أمر مهم انتبه له أخ الإسلام يقول هنا ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه وأن نعي حقيقة وجودنا في هذه الحياة وأن نعي الغاية من خلقنا ووجودنا على هذه الأرض وأن نعرف لماذا خلقنا الله ولماذا وجدنا في الأرض وما هي الحكمة من ذلك وما الذي سيناله من أجر من أطاع الله وما الذي سيناله من عقاب من عصى الله ولم يتبع هدى الله تبارك وتعالى واتبع الشيطان يقول حفظه الله هذه أسئلة لا بد أن يطرحها كل عاقل على نفسه وأن تكون دائمة مسيطرة على فكره الله عز وجل قال في القرآن والذين كفروا عما أنذروا معرضون يعرضوا عن الحق وقال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إيه الجحافظ الله تعالى ici Il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, qu'il faut capter, qu'il faut comprendre, qu'il faut qu'il soit présent dans notre esprit. C'est de comprendre le but de notre existence sur cette terre. Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi nous sommes sur terre? Nous devons connaître, savoir, hein, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a fait vivre sur ces terres. C'est quoi le but? Et qu'est-ce qu'il va en découler du fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense? Et qu'est-ce qu'il va découler du fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme châtiment? Que vont avoir comme bienfait ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qu'il châtiment ils vont avoir ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent Shaitan? Et ce sont des questions qui doivent être tout le temps dans notre esprit. Tout doué de raison, il dit Havidallah, ces questions doivent s'accaparer dans son esprit. Ils doivent être toujours présentes dans son esprit. Et il cite le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, a dit, hein, dans cette traduction approximative, Allah nous annonce que ceux qui ont mécru se sont détournés de la vérité qui leur a été annoncée. Ils se sont détournés de la vérité qui leur a été annoncée. Et il a dit d'eux aussi, ils connaissent certains aspects de la vie, mais ils sont insouciants des choses de l'au-delà. Certains aspects, ils ne connaissent pas toute la vie. Certains aspects de la vie, ils l'ont, ils la connaissent, mais ils sont insouciants, absents, et loin de leur esprit tout ce qui est, qui concerne l'au-delà. يقول الشيخ غائبون تماما عن الغاية التي خلقوا من أجلها وأوجدوا لتحقيقها بل بعضهم لا يعرف قصة أباه مع هذا العدو اللدود انفصلوا تماما بسبب الفتن وبسبب كيد الشيطان انفصلوا عن أبيهم آدم تمام الانفصال وانفصلوا عن تلك العداوة التي بين آدم وبين إبليس بل إن كثيرا منهم أصبحوا من جنود إبليس. Et il dit, Havidallahu ta'ala, ceux-là, il est absent de leur esprit le but pour lequel ils ont été créés. La réalité de leur vie et le but pour lequel ils sont créés, ils ne le connaissent pas. Il est absent de leur esprit. Certains parmi eux ne connaissent même pas l'histoire de leur père avec cet ennemi déclaré qui est Iblis. Hein? À cause des fitaines, à cause des séditions. Hein? Ils sont loin de l'histoire de leur père Adam, alayhi salam. Ils ne connaissent même pas cette haine qu'il y a eu entre Adam et Iblis. Et beaucoup parmi eux sont devenus une armée de Iblis. Et billah alayk, celui qui dit que ses ancêtres sont les singes, d'où il va connaître cette haine, hein? Ses ancêtres, c'est déjà les singes. Donc il s'est coupé d'Adam déjà. Comment il peut savoir l'histoire, la haine que vous, Shaitan, à la descendance d'Adam? Hein? Alors que lui, il voit qu'il descend du singe, la yadan billah. Bal inna ba'dahum sara yaftakhir, yatafakhar fi nafsihi, wa fi dhalalihi, wa zayghihi, wa i'radihi, bi annahu balagha fi dhalika mablaghan akthar min mablaghi iblis. Yaqulu ahad dhurriyyati adam munshidan, wa kuntu mri'an min jundi iblis fartaqa bil hal hatta sara iblis min jundi. Hein? Certains parmi eux sont fiers dans l'égarement dans lequel ils sont. Hein? Ils sont fiers du fait d'être loin de la révélation, d'être loin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains sont arrivés à un degré plus élevé que Iblis, à tel point qu'un parmi eux, il a écrit un poème en disant, j'étais un être humain soldat d'Iblis, et j'ai évolué dans ce chemin jusqu'à ce que Iblis est devenu mon soldat. Hein? Jusqu'à ce que Iblis est devenu son soldat à lui. Ainsi, certains. Bah, regarde ce qui se passe dans cette Europe. Hein? Regarde toute cette, hein? Toute cette vie à l'envers. Hein? Cette vie à l'envers, à vouloir éduquer aux enfants quoi? Qui peuvent choisir leur sexe, qui peut être une fille ou un garçon. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et a créé la femme, etc. À vouloir mettre les deux à pied d'égalité. Et Cheikh Mohamed bin Hadi, lors de la Daura d'un Nador, il a dit, vous voulez mettre l'homme et la femme à l'égalité? Ben alors faites que l'homme il est ses monstrues. Et faites que l'homme il tombe enceinte. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils seront à pied d'égalité. Hein? Regarde, Iblis, où est-ce qu'il a amené ces mécréants qui sont coupés de la révélation. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le malheur sur terre. Malheur dans les pensées. Malheur dans les choses qu'ils font. Malheur dans tout ce qu'ils font. Et c'est le malheur total. Et tout ceci les amène vers la perte totale, dans ce bas monde et dans le delà. Alors, dans le delà, c'est le pire. Hein? Il n'y a qu'à voir. Vous êtes dans un pays de mécréants, regardez ce qui se passe. Trouve le bienfait de la guidance d'Allah. Et ceci doit être un leitmotiv pour nous pousser encore plus à s'attacher à la religion, et à la pureté, et à la purification. Il y a des gens qui sont reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre reconnaissance se passe par le fait de mettre en application le livre d'Allah, la sunna du messager alayhi salatu wasalam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Quand tu sais l'impureté dans laquelle il baigne autour de toi, et la pureté vers laquelle t'oriente la parole d'Allah, la sunna du messager alayhi salatu wasalam, il la voix des pieux prédécesseurs d'Allah. Comment ne pas être un serviteur reconnaissant au milieu de cette impureté qui t'entoure? Alors, il faut savoir évaluer les situations. Il faut savoir évaluer le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir accomplir notre devoir vis-à-vis de ce bienfait, pour qu'il dure et que Allah subhanahu wa ta'ala l'augmente. La buddha khal islam. يقول حفظه الله يعني وصلت يقول عن هذا الذي قال أن إبليس صار من جندي يعني وصلت إلى درجة أن إبليس أصبح من جندي في إضلال الناس وإغوائهم وصدهم عن دين الله. Il dit حفظه الله de celui-là qui a dit que Shaitan est devenu son soldat, dit qu'il est arrivé à un degré que Iblis est devenu son soldat, hein, pour égarer les gens, pour faire dévier les gens, pour éloigner les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde cette armée d'Iblis. Il travaille déjà maintenant. En parlant de dans la communauté musulmane. Cette armée d'Iblis travaille déjà pour préparer quoi? Les programmes du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il prépare pendant les programmes du mois de Ramadan dans les télés? La nudité, le mensonge avec les sketchs, avec les théâtres, avec les feuilletons, etc. Les chansons, khlat. Tout ça pour faire perdre aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne savent pas déceler entre le bien et le mal, leur faire perdre les vertus de ce mois de Ramadan. 6 mois avant l'arrivée de Ramadan, ils travaillent. Hein? Des fois même plus. À peine le mois de Ramadan est terminé, il commence déjà à se projeter dans l'année d'après pour préparer les programmes. Les programmes de l'égarement, les programmes de la débauche, tout ça pour que Iblis puisse prendre les gens avec lui. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله يقول حفظه الله هكذا يتلاعب الشيطان بالناس ويتنقل بهم في أودية الضلال وسبل الباطل وطرق الغواية حتى يفصلهم عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها Il y a ainsi Shaitan, il joue avec les gens. Il les fait déplacer d'une déviance à une autre, d'un égarement à un autre, d'une débauche à une autre. Il les fait évoluer. Hein? Dans les chemins de l'égarement, dans les chemins de la débauche, dans les chemins de la désobéissance, pour les couper du but pour lequel ils existent. Hein? Pour les couper complètement du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a fait exister. Wa ta'ahada 'ala nafsihi kama dhakara Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shimalihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Hein? Il a pris sur lui-même, il a pris un pacte sur lui-même, et il a fait le serment. Et comme nous le cite Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir de devant, de derrière, de droite, de gauche, de partout il va arriver. Hein, et il dit, et tu trouveras beaucoup parmi eux ne seront pas reconnaissants. C'est-à-dire, ils seront pris dans le filet de Shaitan. Hein? J'ai fait le hadith. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. Dans le hadith, le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit que Shaitan, il est sur le chemin, tous les chemins de la descendance d'Adam. N'importe quel chemin, du bien ou du mal, il est là. يعني ما من طريق يسلكه ابن آدم إلا والشيطان قاعد فيه سواء كان الطريق طريق خير أو كان الطريق طريق شر فإن كان طريق خير جلس فيه الشيطان ليصد ابن آدم عن المضي فيه وإن كان الطريق طريق شر جلس فيه الشيطان ليشجع الإنسان على المضي فيه فهو جالس في أطرق بني آدم أطرق الخير وأطرق الشر. Il dit حفظه الله تعالى interprétant ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام que Shaitan, toutes les voies que prendront la descendance d'Adam, il sera présent, il sera là. Il est là assis, que ce soit le chemin du bien ou que ce soit le chemin du mal. Si c'est un chemin du bien, bah, Shaitan, il est là pour détourner la descendance d'Adam de ce chemin du bien. Et si c'est un chemin du mal, bah, Shaitan, il est là pour encourager la descendance d'Adam de s'enfoncer dedans. Il est là, tous les cas, sur le chemin du bien et sur le chemin du mal. N'importe comment, il est sur le chemin. Yaqul. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لذلك يجب أن يعلم أنه وجد في هذه الأرض وعلى هذه البسيطة لأمر محدد وغاية محددة وهدف محدد يجب أن لا يغيب عن ذهنه وهو اتباع هدى الله والحذر الكامل من اتباع الشيطان فمن اتبع هدايا. Il dit, Havidallahu Ta'ala, c'est pour ça qu'il est obligatoire aux musulmans de faire attention à ceci. Hein? Il doit, il est obligatoire pour lui de savoir le pourquoi de son existence sur cette terre. Il doit savoir qu'il est là sur cette terre pour un temps bien limité et pour un but bien précis. Et ceci ne doit pas disparaître de son esprit. Il doit être tout le temps présent dans son esprit. Qui est le fait de suivre le livre et les messagers alayhi salatu salam. Et de faire très attention à Shaitan. Car le verset il est clair. Faman ittaba'a hudaya. Il huda, comme il a dit Sa'di rahimahullah, le kutub wa rusul. Yaqulu hafidahullah, Cheikh Abdelrazzaq, l'Abbad, hafidahullah. Li ajli hadi il ghaya. Khalaqallahu al-khalq. وجعل بينهم التناسل إلى أن تقوم الساعة هذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجدوا لتحقيقها اتباع هدى الله عز وجل Et Cheikh Abd el-Razzaq veut dire, c'est pour ça, c'est pour ce but que les gens ont été créés, que la créature a été créée. Suivre les prophètes et les messagers, alayhi sallam. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait que les hommes se marient avec les femmes pour avoir des enfants, etc., jusqu'à la fin des temps. Et leur but, c'est l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le but pour lequel il y a eu la création. Hein? C'est d'accomplir dans sa vie le fait de suivre le livre et le messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu hafidhahullah. ماذا ينال وأي ثواب يحصل من يتبع هدى الله؟ Il dit حفظه الله. Qu'est-ce qu'il va obtenir et quelle récompense aura celui qui suit la guidance d'Allah؟ يأتيك الجواب في الآيات التي سمعت في الآية الأولى في سورة البقرة قال الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية طه قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Il dit, حفظه الله تعالى, et les réponses tu viens directement du verset qui sont cités, que lui, il a cité, sur lequel il a basé sa conférence, qui est le premier verset dans Surat al-Baqara, dont la traduction approximative dit ceci, quand vous arrivera le livre et le messager, celui qui les suit, il n'aura pas à avoir peur, ni à être attristé. Et dans Surat Taha, descendez tous, vous êtes les ennemis les uns des autres, et quand il vous arrivera le livre et le messager, celui qui le suit, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Et celui qui se détourne de ma révélation, il aura une vie pénible. Ça dans ce bas monde. ماذا يحصل من اتبع هدى الله على ضوء الآيتين المتقدمتين فقط؟ أما على ضوء النصوص الكثيرة فإن الذي يتبع هدى الله عز وجل يحصل من النعيم والثواب والأجر ما لا يخطر ببال ولا يحصيه المحصون ولا يعده العادون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون عد الله لهم من الثواب والأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et il dit حفظه الله تعالى, qu'est-ce qu'il va obtenir celui qui suit le livre et le messager, celui qui suit la guidance d'Allah? Dit, partons tout simplement, prenons tout simplement les deux versets cités. Il dit, mais si on prend tous les textes, celui qui suit la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il obtiendra le comble des bienfaits, l'énorme récompense. Il aura de ses récompenses et de ses bienfaits ou qui ne peuvent même pas, qu'aucun esprit ne peut capter, et que des choses auxquelles personne n'aurait pu penser ni imaginer, et des choses que ceux qui comptabilisent ne pourront pas les comptabiliser. Et il cite le verset dont la traduction approximative dit ceci. Aucune âme ne sait ce qui leur a été réservé parmi les choses qui vont les réjouir comme récompense et comme compensation pour ce qu'ils ont œuvré, pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé les grands bienfaits, il a l'énorme récompense, des choses aucun œil n'a pas vu, aucun ouïe n'a pu entendre parler de ces choses, aucun cœur ne soupçonne ce qui les attend. ويقول حفظه الله لكن على ضوء الآيتين المتقدمتين ماذا يحصل من اتبع هدى الله. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va obtenir celui qui suit la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala en partant des deux versets qu'il a cités. يقول من اتبع هدى الله يحصل امورا اربعه ذكرت في الآيتين المتقدمتين وهي عدم الخوف عدم الحزن عدم الضلال عدم الشقاء. Et il dit, partant des deux versets cités ici, le verset dans Surat al-Baqara et dans Surat Taha, celui qui suit la guidance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il aura quatre choses. Il n'aura pas peur, il ne sera pas attristé, il ne sera pas malheureux, il ne sera pas égaré. Pas de peur. Le contraire de la peur, c'est quoi? La sécurité. Hein? Total. Le contraire de la tristesse. Le bonheur. Total à l'islam. Parce que ça, c'est min Allah azza wa jal. L'égarement. Son contraire, la guidance d'être qui est dans sa vie. Et d'être sur une voie qui est claire. Que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et la fatigue, chaka, et le malheur. Son contraire, c'est quoi? Le repos total à l'islam. Et la grande, hein? L'apaisement total à l'islam. La quiétude totale. Yaqulu Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, yaslam min hadhihi al-umur, al-arba'a, wa yatahaqqaq lahu adhdaduha. Yaslam min al-khawf, wa yaslam min al-huzn, wa yaslam min al-dalal, wa yaslam min al-shaka. أما الخوف والحزن فقد نفاهما الله عز وجل عن من اتبع هدى الله في سورة البقرة قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفى عن من اتبع هدى الله أمرين حصول الخوف وحصول الحزن لا يحصل له خوف ولا حزن et donc la personne qui suit la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala il sera épargné de ces quatre choses. Et il aura le contraire de ces quatre choses. Il sera comblé du contraire de ces quatre choses. Donc il sera épargné de la peur. Il sera épargné de la tristesse. Il sera épargné de l'égarement. Il sera épargné du malheur et de la fatigue. Hein? Et il aura le contraire. Quant à la peur et la tristesse, ils sont cités dans Surat al-Baqara. Celui qui suit la guidance d'Allah n'aura pas à avoir peur ni à être attristé. Hein? Il a nié, il a éloigné de celui qui suit la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur et la tristesse. Qala ahlul ilm, al-khawf muta'alliqun bil-mustaqbal, wal-huzn muta'alliqun bil-madi, wa lihada yakunu ma'na al-aya, la yalhaquhum ma khafu minhu, ya'ni fil-mustaqbal, wa la yu'arid lahum huznun ala ma fat. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف يتعلق بالأمور المستقبل أمور المستقبل لما يستقبل من أمرهم في الخوف يخافون النار يخافون القبر أي عذاب القبر العذاب يخافون الحشر يخافون الصراط يخافون من الله يخافون أمور كثيرة إذا اتبعوا هدى الله قال عز وجل لا خوف عليهم يأتون يوم القيامة في أمن وطمأنينة وليس فيهم أي خوف قال الله عز وجل في آية أخرى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأمن ضد الخوف أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأمن ضد الخوف فالإسلام Il dit, Habidallah Ta'ala, les hommes de science ont dit concernant la peur, que la peur correspond à un rapport avec le futur, avec ce qu'ils vont rencontrer dans le futur. Le huzn, il a rapport avec le passé. C'est pour ça le sens du verset, qu'ils n'auront pas à avoir peur de ce qui les attend dans le futur. Ils ne seront pas tristés pour ce qui est passé, de leur passé. Hein? Ils n'auront pas à être attristés, ni à se mordre les doigts pour ce qui est passé. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Non, pas avoir peur ni être attristé. Et la peur a rapport avec le futur, avec les choses du futur. Donc, ils n'auront pas à avoir peur du feu de l'enfer, ni de la tombe et du châtiment de la tombe, hein? Ni du châtiment. Ils n'auront pas à avoir peur de la résurrection, hein? Ni du passage sur Sirat. Hein? Ils n'auront pas à avoir peur de toutes ces choses-là. Si, quand ils suivent la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayh. Il vient le jour de la résurrection, ils sont dans la sécurité, dans la quiétude totale. Ils n'ont aucune peur. ils subissent aucune peur. Et comme il est dit dans l'autre verset que Cheikh cite ici, dont la traduction approximative dit ceci, ceux qui ont cru, ils n'ont pas mélangé leur foi avec de l'associationnisme, avec une injustice, et c'est l'injustice et l'associationnisme. Ceux-là auront la sécurité, ils seront guidés. Et la sécurité, c'est le contraire de quoi? De la peur à l'islam. Hein? Quand ce verset a été révélé, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, il a posé problème aux nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Ils ont posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi nous n'a pas été injuste avec lui-même? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a sortis de là. Pourtant, c'est des gens qui parlent arabe. L'arabe est leur langue. Et cela te prouve que si tu maîtrises l'arabe, ça ne suffit pas pour faire l'interprétation de la parole d'Allah et de la sunna de son message, alayhi wa sallam. Qu'il te faut autre chose. Hein? Et qu'il te faut la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhi. Regarde, ces nobles arabes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons de son prophète alayhi salam, quand le verset est descendu, il a créé un problème pour eux dans leur esprit. Et ils ont posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi nous n'a pas commis d'injustice vis-à-vis de lui-même. Il leur a dit non, c'est pas ce que ça veut dire. N'avez-vous pas entendu la parole de l'homme sage Luqman à son fils? Inna shirka la dhulmun azim. Inna shirka la dhulmun azim. L'associationnisme est une grande injustice, comme il est cité, comme Luqman l'a dit à son fils. Hein? Et là, ce dilemme, et cette hada, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dissipé tout de suite. C'est pour ça qu'il est de notre devoir, même si on maîtrise l'arabe, de ne pas être un but de soi. Hein? Et de revenir à la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah. Sayyid Qutb, maître en arabe dans la littérature. Et pourtant, comme il n'avait pas la connaissance de la législation, la connaissance de la voix du pieux prédécesseur d'Allah, mais leur compréhension, qu'est-ce qu'il a fait? Des dégâts dans l'interprétation du Coran, dans son livre qui s'appelle Dhilal al-Quran. Hein? Et dans l'arabe, c'était un maître. Et c'est ce qui arrive à l'islam, à tout un chacun qui est imbu de lui-même et qui ne suit pas ses pieux prédécesseurs dans l'âme, mais qui ne se conditionne pas par Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur dans l'âme, tout ceci amène vers l'égarement à l'islam. Il faut faire très attention à ça. ايضا ولا هم يحزنون فيما مضى لان ما مضى من امر امضوه في اتباع هدى الله وامضوه في طاعه الله وامضوه في السير على ما امرهم الله به وما امرهم به رسوله عليه الصلاه والسلام فهذان توابان عظيمان وفضيلتان كريمتان يحصلهما من اتبع هدى الله et aussi concernant ولا هم يحزنون ils seront pas attristés, ceci concerne ce qui est passé de leur vie. Parce que ce qui est passé de leur vie, leur passé, l'ont passé dans quoi? Dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le suivi du livre et du messager alayhi salatu wassalam. Ils ont passé leur passé dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Et ils ont pris le chemin que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Et ça, ce sont deux nobles et deux géantes récompenses et deux géantes. Ce sont deux géantes vertus avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il comble ceux qui suivent ses ordres et les ordres de son messager, alayhi salatu wassalam. Ni la peur ne l'atteint dans le futur, ni la tristesse, ni il va être attristé pour son passé. Parce que son passé, il était dans l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam. Ça, ce sont ce qu'il obtient dans le verset cité dans Surat al-Baqara. Maintenant avec Surat Taha, « Amma fi Surat Taha, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, fa man ittaba'a hudaya fala yidhillu wa la yashqa. Nafa amman ittaba'a huda Allahi dalala wa shaqa. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma. Inda hadihi al-ayati al-karima, takaffala Allahu. » لمن قرأ القرآن وعمل به، لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية الكريمة، لا يضل في الدنيا يعني لا يقع في الضلال في هذه الحياة، لأنه يعبد الله على بصيرة، لأنه يطيع الله، لأنه يتبع هدى الله، فمثل هذا لا يحصل له الضلال ولا يأتيه الضلال، لأنه يعبد الله على بصيرة، وهو على بصيرة بدين الله وعلى نهج مستقيم في عبادة الله تبارك وتعالى. الدي كنت سورة طه الله سبحانه وتعالى dans le verset dans la traduction approximative dit ceci: celui qui suit la guidance il ne sera pas égaré ni attristé. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a éloigné, ne sera pas égaré ni attristé, a éloigné l'égarement de cette personne qui suit le livre et le messager. Et il a éloigné aussi le malheur, qu'il ne sera pas malheureux. Hein? Ibn Abbas radiallahu anhu a dit concernant ce verset: Allah a garanti à celui qui lit le Coran et qui le met en application qu'il ne sera pas égaré de ce bas monde et qu'il ne sera pas malheureux dans le delà. Il a lu le Coran, il l'a mis en application, la garantie lui vient min Allah Azza wa Jal qu'il ne sera pas égaré dans ce bas monde ni il sera malheureux dans le delà. Et il a cité ce verset, il a récité ce verset: faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Il ne s'égarera pas dans ce bas monde, c'est-à-dire qu'il ne tombera pas dans le garment dans sa vie, car il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, car il est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, car il suit le livre et le messager. Et dans ces cas-là, comment il peut tomber dans l'égarement? Comment il peut, hein? Il ne peut pas tomber dans l'égarement, car il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et avec compréhension de la religion, et il est sur une voie droite dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يشقى أي لا يلحقه الشقاء في الآخرة. لا عذاب، لا حميم، لا غساق، لا خوف ولا أهوال في مأمن من ذلك كله. ولا يشقى، والشقاء ضد السعادة، والضلال ضد الهداية. ولما نفى الله تبارك وتعالى عنهم حصول الضلال والشقاء لهم، فمعنى ذلك أنهم في تمام الاهتداء وفي كمال السعادة. هذا شأن من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى، تكفل الله عز وجل له بذلك. Et donc, il ne sera pas malheureux. Dans Surah Taha, la deuxième chose qu'il obtient, c'est qu'il ne sera pas malheureux. Dans le delà, il ne sera pas malheureux. Ni châtiment, ni fournaise de l'enfer, tout, hein, les horribles choses qui arrivent dont, hein, par le châtiment, et lui, il n'aura pas, il ne les subira pas. Il sera en sécurité. Et chaka, c'est le contraire du bonheur. Il sera dans le comble du bonheur dans ces cas-là. Et l'égarement, c'est le contraire de la guidance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a épargné ceux qui suivent sa guidance, hein, qu'ils ne seront pas égarés, ni ils seront malheureux. Ça veut dire qu'ils sont complètement guidés et qu'ils sont au comble du bonheur. Et ceci, c'est la situation de ceux qui suivent les livres et les messagers, alayhi salatu salam. Ils ne seront pas égarés, ni ils seront malheureux. Abadan akhal islam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a garanti ceci. Combien de temps il reste à mort? Avant le Maghreb, 1h10. أما من لم يتبع هدى الله فما هي عقوبته؟ كنت celui qui ne suit pas la guidance d'Allah, qu'est-ce qu'il a comme châtiment? C'est quoi son châtiment? قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في هذه الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، في الدنيا تكون معيشته الضنك والضنك ضيق العيش. Quant à celui qui ne suit pas la guidance d'Allah, c'est quoi son châtiment? Il est dit dans le verset dans Surat Taha, dans la traduction approximative, celui qui se détourne de la révélation d'Allah, il aura une vie pénible dans ce bas monde. Sa vie sera pénible. Il ne sera pas dans l'aisance de la vie. Et le jour de la résurrection, qu'est-ce qui lui arrive? Il sera ressuscité aveugle dans ce bas monde pénible. La vie pénible. Dans le delà, il sera ressuscité aveugle. هنا يقول الشيخ قد يلد على بعض الأذهان وعلى بعض العقول والأفهام قد يلد عليهم شبهة يقولون نرى كثيرا من الكفار الذين أعرضوا عن دين الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى في سعة من العيش وفي نعم واسعة وأموال طائلة وخيرات كثيرة. ici le cheikh, et notamment ça pas concerner les gens qui vivent dans les pays de mécréance, il peut arriver dans l'esprit de certains une ambiguïté. Le fait de dire nous voyons beaucoup de mécréants qui sont loin de la religion d'Allah et qui sont loin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans les anges, dans ce bas monde. Une vie de confort, de grand confort, et dans de grands bienfaits, une grande fortune, etc. يقول فكيف يتفق هذا مع قوله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا. Dit comment on peut concorder entre ça et le verset qui dit ils auront une vie pénible. أجاب أهل العلم المحققون الذين يفهمون دين الله تبارك وتعالى تمام الفهم بأن المعيشة الضنكة تكون في قلوب هؤلاء فبالرغم من الأموال الطائلة والسعة في المال والسعة في الرزق ونحو ذلك إلا أنهم في ضنك وضيق صدر وتفكير دائم وخوف وقلق في كل يوم ينتابه قلق على ماله وفي كل يوم ينتابه اضطراب وخوف على ماله هل يبقى هل تأتيه آفة هل يسلم من الضرر هل يلحقه كذا تجده دائما في ضيق واضطراب لا يكون قلبه مطمئن. Et il dit حفظه الله تعالى, les hommes de science et les authentificateurs ont répondu à ceci: ceux qui ont la compréhension de cette religion, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné, a comblé de cette compréhension saine, c'est que la vie pénible, c'est dans le cœur de ceux-là, c'est dans leur cœur, à l'islam. Malgré la grande fortune, malgré l'aisance et le confort, ils sont, dans leur intérieur, ils sont très mal. Arrête de penser, est-ce que la situation va durer? Est-ce que la fortune va rester? Est-ce que, etc. Et tu vois, chez les psys, et les psychanalystes, la queue de qui? De beaucoup de ceux qui ont la fortune. Tu vois, dans ce pays de mécréance, ils ont la fortune jusqu'à là. Hein? Et la fortune leur sort de leurs narines. Ils n'arrivent pas à dormir. S'ils n'avalent pas un Valium ou un tranquillisant pour pouvoir dormir. Ou là, s'ils n'avalent pas les cochonneries d'alcool, là, ils n'arrivent pas. La quiétude, il ne l'a pas. La quiétude intérieure, l'apaisement intérieur, le repos intérieur, il ne l'a pas. Est-ce que la fortune va durer? Est-ce qu'il va y avoir la crise? Est-ce que je vais sortir indemne de cette crise? Etc, etc. Regarde, chaque fois qu'il y a la crise, regarde comment il parle. Regarde devant toi comment il parle. Et tu les entends. Hein? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Qu'est-ce que tu en sais qu'il va y avoir? Demain, c'est Ayallah, y'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Hein? Et ça ne cesse de le perturber dans son esprit. Et cette perturbation d'esprit, cette façon de réfléchir, qui est une façon de réfléchir de ceux qui sont loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui rendent sa vie pénible. Ils lui rendent sa vie pénible. Hein? Et perturbé, pas de quiétude intérieure. Amma al-mu'minu al-muti', لله حتى وإن كان ماله قليلا وحتى وإن كان رزقه وطعامه وغذاؤه ونحو ذلك قليلا فإنه في نعمة تامة ورضا بما قسم الله له. Et quand aux croyants qui obéissent, qui est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'a pas beaucoup de fortune, même s'il n'a pas beaucoup de nourriture, même s'il est dans un apaisement total, parce qu'il agrée ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Il, de par sa croyance, il sait que la chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui veut pas, ben il ne l'aura pas. Donc, pas de perturbation dans son esprit. Contrairement au mécréant, qui n'a pas de dogme, qui n'a pas de croyance, qui ne connaît pas Allah, qui ne sait pas ce que c'est que le destin. Hein? Que lui, est-ce qui est palpable au khlas. Wa li hada qala alayhi salatu wa salam, fi l'hadith sahih, ajaban li amri l'mu'min, inna amrahu kulluhu khayrun. كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et c'est pour ça que Rasoul صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith authentique, extraordinaire la situation du croyant. Toute sa situation est un bien et ceci n'est dû à personne qu'au croyant. Ceci, cette situation extraordinaire, n'est due à personne que croyant. Quand il est comblé d'un grand bienfait, d'un bienfait, et quelque chose qui le réjouit, il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un grand bienfait, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, « La in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Hein? Et quand il lui arrive un malheur, il patiente et il endure. Parce qu'il sait que la chose qui doit lui arriver, il arrivera. Donc, toute cette situation est un bien. Et quand il patiente, il a la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est apaisé. Pas de perturbation. وَأَمَّا الْكَافِرِ إِنْ أَسَابَتُهُ سَرَّا لَا يَشْكُرِ اللَّهِ بَلْ يَجْحَدِ اللَّهِ بل يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويتكبر ويصيبه العتو والفخر والغرور ونحو ذلك كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. Quand un mécréant, quand il vient, il est comblé d'un grand bienfait, qu'il y avait quelque chose qui le réjouit, etc. Ben, il n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas reconnaissant. Il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il s'enorgueille, il est fier de ce qu'il a eu, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité quelque chose comme ceci dans le Coran concernant Qarun. Dans la traduction approximative, Qarun a dit, quand les gens ont attiré son intention sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je l'ai eu par ma science. Hein? Et quand tu regardes ceux qui t'entourent, quand ils réussissent un projet, etc., comment ils sont, hein? Comment ils mettent leur QI en avant, etc., leur intelligence, leur savoir-faire, etc. Tu vois dans leurs paroles une reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan akhal islam. Abadan. Abadan. Hein? Jamais de la vie. Wa in asabathu darra'a il kafir. فإنه يتسخط ويتبرم من القضاء ويعترض على الله تبارك وتعالى. Et quand il arrive au mécréant une catastrophe, il se lamente. Hein? Il se lamente sur le destin, il se lamente. Il s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il n'accepte pas. ولهذا العيش الهنيء بطمأنينة القلب حتى وإن كان المال قليلا حتى وإن كان العطاء قليلا. العيشة الهنيئة تكون في قلب الإنسان وطمأنينته ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى له. كنت la vie paisible, il s'obtient avec l'apaisement du cœur et la quiétude du cœur. Hein? C'est que la personne, même s'il a peu de fortune, peu d'argent, peu de nourriture, hein? Ben, il est paisible dans sa vie, il est quiet dans sa vie, parce que son cœur, hein, il est apaisé. Il agrée ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et ceci découle de quoi ? D'une croyance authentique et d'une réelle connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une grande croyance dans le destin. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن. C'est pour ça qu'il nous a été rapporté de notre messager عليه الصلاة والسلام dans le hadith qu'il a dit عليه الصلاة والسلام ce bas monde c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. الدنيا سجن المؤمن بأي اعتبار والمؤمن قد يكون أيضا في الدنيا ليس في سجن في نعمة وخير وسعة في الرزق. الدنيا سجن للمؤمن باعتبار ما سيقدم عليه يوم القيامة عندما يكون في جنة عرضها كعرض السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما تقارن تلك الجنة التي يكون فيها المؤمن فإن الدنيا بهذا الاعتبار سجن حتى وإن ملكها الإنسان جميعها فهي سجن بهذا الاعتبار. الله سبحانه وتعالى ce bas monde c'est la prison du croyant, alors que le croyant peut être dans ce bas monde déjà dans l'aisance, il a les moyens, il a la fortune, il a etc. Mais même avec sa fortune et sa grande fortune qu'il a, ce croyant, cette dunya est une prison pour lui. En prenant en considération ce qu'il attend dans l'au-delà, en prenant en considération la récompense qu'il va avoir, qui est un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre, à l'islam, dans laquelle il y aura des choses que qu'un œil n'a vues. Aucun oui n'a pu entendre parler de ces choses, des choses qui n'ont pas effleuré l'esprit de quelqu'un. Hein? Et quand on compare ce qui attend le croyant dans le delà et les choses et le grand bienfait dans lequel il est dans ce bas monde, hein? Ben c'est une prison pour lui ici. Celui qui est comblé de grands bienfaits, c'est une prison pour lui par rapport à ce qu'il attend dans le delà. Même s'il a ce bas monde entier, c'est une prison pour lui parce que par rapport à ce qu'il attend de là, c'est quelque chose de minime. قال والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. الآخرة سجن للكافر باعتبار ما كان في هذه الحياة من إعراض وكفر وعدم طاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن في أحواله كلها في الدنيا والآخرة في سعادة وهناء ورغد عيش وطمأنينة والكافر في أحواله كلها في الدنيا والآخرة في ضيق ونكد وهم وحزن وألم وهذه نعمة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن. Et il a dit عليه الصلاة والسلام et l'au-delà c'est la prison du mécréant et le paradis du croyant. L'au-delà c'est la prison du mécréant par rapport au bienfait dans lequel il bénit dans ce bas monde et par rapport au fait qu'il s'est détourné de la révélation et qu'il n'a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le croyant dans toutes ces situations, dans ce bas monde et dans le delà, il est dans un bonheur et dans une quiétude et dans une aisance de vie. Et le mécréant dans toutes ces situations, que ce soit dans ce bas monde ou que dans l'au-delà, il est dans une vie pénible, de malheur, de tristesse, de douleur. Et ça, c'est un grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le croyant à l'islam. Et voici une histoire de l'un de nos pieux prédécesseurs, Abdullah Alim, qui est Ibn Hajar, rahimahullah, qui était le président des juges à son époque, au Caire. Et quand il partit le matin vers son travail, il partit avec une charrette tirée par des chevaux. Il passait devant, dans les ruelles du Caire, il passait par le quartier des vendeurs d'huile et de beurre, etc. Un jour, un juif qui vend le beurre et qui vend l'huile, il arrêta la charrette de la carrosse de Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Il dit à Ibn Hajar, rahimahullah, n'est-ce pas que votre prophète vous a dit que ce bas monde, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant? Il a dit, certes. Il a dit, mais regarde l'aisance dans laquelle tu es. Et regarde, moi, comment je suis avec... je sens le gras de partout, le vêtement. Ibn Hajar, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la clairvoyance et la compréhension, lui a dit, la situation dans laquelle tu es maintenant, c'est un paradis pour toi par rapport au châtiment qui t'attend dans le delà. Et la situation dans laquelle tu vois pour moi, dans laquelle je suis là, c'est une prison pour moi par rapport aux délices qui m'attendent dans le delà. Ah, douce ceux qui ont compris ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de son grand bienfait, de cette grande compréhension de la religion à l'islam. Qala azza wa jal, faman ittaba'a hudaya. فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنَ الْعَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. الكافر يوم القيامة يحشر أعمى. والمراد بالعمى هنا عمى البصر. يأتي الناس يوم القيامة وهم يبصرون ويشاهدون ما أمامهم إلا أن الكافر يوم القيامة يأتي ولا يرى شيئا ولا يبصر شيئا ولا يسمع شيئا كما قال الله عز وجل في آية أخرى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Cher de reciter le verset. Et celui qui suit livre et les messagers ne sera ni égaré ni attristé. Et celui qui se détourne de ma révélation, il aura une vie pénible. Et le jour de la résurrection, nous allons le ressusciter aveugle. Donc le croyant, le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. C'est-à-dire non-voyant. Le jour de la résurrection, les gens vont arriver. Il voit, et lui, il voit rien. Il arrive aveugle. Les gens voient ce qu'il y a devant eux, lui, il voit rien du tout. Il n'entendra rien du tout non plus. Sourd. Dans l'autre verset, il est dit, celui, dans la traduction approximative, dit ceci, celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, c'est le guidé. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, tu lui trouveras pas d'allié en dehors d'Allah. Tu lui trouveras aucun allié. Et le jour de la résurrection, nous allons les ressusciter traînant sur leur visage. Dans ce bas monde, il marche sur ses pieds. Là, il va marcher sur son visage, à l'envers. Et non parlant, il ne parlera pas. Et aussi, il n'entendra pas. Et aveugle. Et leur demeure sera Jahannam. Et chaque fois que le feu faiblit, il sera augmenté. Et on arrête là. Et on reprend, Inch'Allah, après salat. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم. جزاكم الله خيرا.